Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en fin de mois et c'est aujourd'hui que nous évoquons la carrière d'un artiste. Aujourd'hui, je vous ai choisi France Jolie. Ça fait longtemps que je vous dis que c'est ma chouchoute et il est donc temps de mieux la connaître. France Jolie voit le jour en 1963 à Montréal et grandit à Dorion, au Canada bien sûr. Dès son plus jeune âge, elle aime chanter et rêve d'une carrière dans le monde de la musique. Elle commence en 1974 par chanter et faire des apparitions dans des spots publicitaires. Elle participe aussi régulièrement à des concours de jeunes talents. Ce sera d'ailleurs à l'issue de l'un d'eux qu'elle fera en 1979 la rencontre du célèbre producteur et auteur-compositeur Tony Green. De leur collaboration naîtra en avril de la même année un premier album éponyme sorti chez le label Prelude Records. Issu de cet album, le single Come To Me fait un malheur dans les charts US, tant disco que pop et R&B. Âgée seulement de 16 ans, France Jolie devient la plus jeune numéro 1 des ventes US de l'époque. Le tube doit surtout son succès au fait qu'il ait été chanté par France Jolie au grand concert organisé au Fire Island le 7 juillet 1979 en remplacement de dernière minute de la prestation de Donna Summer. L'album, propulsé par d'autres tubes comme Playboy, Come To Me, Don't Stop Dancing et Let's Go, se vendra à grande échelle et se classera dans le top 30 du Billboard. Désormais très célèbre à travers les États-Unis, elle enchaîne les apparitions dans les émissions de télévision. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Forte du succès de son premier opus, France Jolie sort en 1980 son deuxième album, Tonight, contenant entre autres les singles à succès tels que The Heart to Break the Heart, This Time et Feel Like Dancing. Ce deuxième album connaîtra un succès moins fulgurant que le précédent, mais jouira néanmoins d'une vente plus ou moins importante. France Jolie enchaîne en 1982 avec son troisième opus intitulé Now et produit pour la première fois sans la moindre touche du producteur Tony Green. Grâce à Can We Fall In Love Again et Gonna Get Over You, la chanteuse se paye encore les meilleures places des charts et écoule son album à grande échelle. Dans la même année, 1982, elle s'illustre à New York en première partie des Commodores avant de quitter le label de danse Prélude. Elle décide par la suite de migrer chez Epic Records, où elle sort en 1983 l'album Attitude, contenant les singles Dumb Blonde, Girl in the 80s et la reprise de Standing in the Shadow of Love des Four Tops. Faire face à l'évidence qu'aucun de ses trois derniers albums n'a pu rencontrer le même succès que son premier opus, France Jolie essaye de reconquérir les sommets des charts avec l'album Witch of Love, sorti en 1985 chez Epic et produit par George Duke. Vous connaissez tous George Duke. Entre-temps, Elle se produit aux côtés de ce dernier au prestigieux Yamaha Music Festival de 1984, où elle chante Party Light et rafle le Grand Prix. Witch of Love sera propulsée par les titres What About Me, In the Darkness, Love Always Find a Way et Does He Dance, mais peinera à s'inscrire dans les hautes places des charts. Face à l'échec que connaît constamment les albums de France Jolie sortis chez Epic, ce dernier décide de se défaire d'elle en 1986. Pendant les 10 prochaines années, elle se compte, enfin, après cet album, bien sûr, elle consacrera plus son temps à se produire sur scène et à partir en tournée qu'à enregistrer en studio. En 1996, France Jolie refait équipe avec Tony Green et refait son comeback avec le single Touch, sorti chez Popular Records. Grâce à cette chanson, qui fait un tabac dans les clubs et les charts dance, elle renoue avec la célébrité. Elle enchaîne par la suite avec le single Breakaway, qui, à l'image du précédent single, sera remixée et remasterisée par un grand nombre de DJ de renom. En 1998, elle sort l'album intitulé If You Love Me, son premier depuis 13 ans d'absence. À partir des années 2000, Franck Joly sera surtout présente dans les clubs et les grands événements disco. En 2003, la chanson Come To Me est incluse dans le documentaire When Ocean Meets Sky. On termine sur Touch et je vous souhaite une belle semaine. Touch.